Les élus locaux ont parlé. Passe Archipel pour voyager. Les îles de la Madeleine, contrôler les allées venues. Pour les Madelinos aussi, pour les Madeliniennes aussi. Ils veulent nous surveiller dans notre propre île. Passe Archipel, nous ne voulons pas de ça. Passe Archipel, liberté c'est pour moi. Ils croient que c'est la solution, mais c'est juste une restriction. On veut garder notre liberté sans être surveillé. Nous sommes tous unis contre cet insensé roi. Nous passons dans l'archipel, laissez-nous en paix. Passe Archipel, nous ne voulons pas de ça. Passe Archipel, liberté c'est pour moi. Pour les Madelinos aussi, pour les Madelinaines aussi. Pour les Madelinos aussi, pour les Madelinos. Passe Archipel, nous ne voulons pas de ça. Passe Archipel, liberté c'est pour moi. Ils croient que c'est la solution, mais c'est juste une restriction. On veut garder notre liberté sans être surveillé.